d'amour, j'ai plus de cœur. Je t'allume ta mère la pute et je pars à Dubaï. Depuis un petit moment, gros, j'y vois clair. Je me dois de tout niquer, je veux pas tout bien. Le démarre, c'est dans le garage. Si ça part en couille, je prends 2-3 billets pour Waharam. Histoire qu'on te nique ta race. Sur toi, je bite mes douilles et je reprends ma vie normale. Que le Seigneur m'en soit témoin, j'ai jamais menti dans mes textes et mes musiques. À 20 ans, j'avais une âme, des couilles, un papa, j'ai investi dans une usine. Mes poutres s'entonnent, mes couilles sont en or, oui, les tiennes s'entonnent. Parmi nous, y'a des salopes, des lâches et des faux culs, sont un des âmes. Ce soir, une mère va pleurer. S'il te plaît, tata, sèche tes larmes. Ton fils, il s'est échappé, que son âme repose en paix. J'entends le bruit des âmes. C'est ce sommet qu'on va faire simple. J'aime pas les gens qui font des poussettes. Le pape allait sur le corps, ce soir il y aura des morts, la calachée dans le cul sec. Un jour je vais niquer ma vie, vider le chargeur sur la tête de ces baltrins. On s'en balègue de ta famille, tu peux chanter jusqu'à demain. Non, je vais pas te craindre, je porte mes couilles comme il faut. Y'a des soucis, mais je me demande comme il faut. Même dans le rap, trop t'es pas de mon niveau. Mon frère nique ta soeur pendant que personne le bruit des âmes. Ce soir une mère va pleurer. S'il te plaît, tata, sèche tes larmes. Ton fils, il s'est échappé. Que son âme repose en paix. J'entends le bruit des âmes. Ton fils il s'est échappé, que son âme repose en paix. J'entends le bruit des âmes. Ce soir une mère va pleurer. S'il te plaît, tata, sèche tes larmes. Ton fils il s'est échappé,